sommet États-Unis-Afrique, non-événement pour vous également? Évidemment, évidemment que c'est un non-événement. Mais on peut analyser ça en rapport avec les évolutions de la position, parlons comme ça, du leadership américain dans le monde. De là, essayer de donner un sens à un non-événement. Parce qu'un non-événement a toujours un sens. C'est-à-dire qu'un non-événement a un sens. C'est-à-dire c'est le sens d'un non-événement. Un non-événement a un sens. Ce sens-là, c'est le sens d'un De nos non-événement. événements. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, il faut comprendre que, à la faveur des changements géopolitiques dans le monde, où le déclassement américain est clair, Charlie tout à l'heure l'a convoqué, déclassement militaire. Vous avez été les premiers à dire ici que les Américains, que la Russie est la première puissance militaire mondiale. Ça vous a coûté cher sur ce plateau. Il y a des gens même qui ont appelé pour, à l'époque, être moins aimable avec moi, je vais rester poli. Je n'ai pas dû m'insulter. Ils appellent des États-Unis. Maintenant, ils n'appellent plus tant mieux. Parce qu'il fallait qu'ils soient là maintenant pour regarder. On dit que la Russie, sur le plan militaire, avait déclassé les États-Unis sur le plan militaire. Et le conflit en Ukraine, il va reconfigurer totalement les rapports de force dans le monde entier. D'ailleurs, Biden lui-même l'a dit lors de ce sommet. C'est clair. Donc, c'est pour ça que, n'est-ce pas, les États-Unis sont obligés de manier la carotte et le bâton. Mais surtout de faire semblant de flatter les pays africains, de rapidement essayer de reprendre la main sur le continent. Évidemment, quelqu'un l'a dit avant moi, c'est Bertrand ou c'est pas là. Et maintenant, les Français le comprennent. Ça les apprendra à mettre n'importe qui à la tête de leur pays. Ils ont mis un Français qui, de jour, mais la nuit, qui est un Américain. Est un Américain. Donc, au détriment de la France et de l'Europe, les Américains sont obligés de revenir, n'est-ce pas, jouer le rôle que l'Afrique avait délégué hier à la À la France, à France. la secrétaire à la France, et dans une certaine mesure à l'Europe. Et croit que ça va se passer comme ça parce que il joue sur la vieille culture esclavagiste, coloniale, qui en principe leur a donné une, parlons comme ça, des marges de manœuvre, soit dans le continent, avec des élites qui ne valent pas grand-chose. Je pense que c'est un peu ça. C'est ça un peu le vote de Joe Biden. On essaye de bonifier le visage des États-Unis, de lancer un message à l'opinion publique africaine pour que les Américains les remplacent par la France à ce qu'on appelle quoi, comme étant cible géopolitique de l'opinion publique africaine qui est travaillée depuis 10 ans par le panafricanisme. C'est là qu'il s'agit. Les rapports américains le disent clairement. Clairement. Donc, les États-Unis doivent manœuvrer avec une opinion publique africaine qui est debout depuis 10 ans. Et ils savent que cette opinion publique africaine est redoutable. Très redoutable et qu'elle peut c'est-à-dire, les créer des problèmes extraordinaires qu'une armée africaine ne pourrait même pas les causer. Ils le savent. Donc, il faut gérer ça. C'est ce que Joe Biden essaie de faire en flattant les présidents, qu'il méprise d'ailleurs en passant, en flattant, bon, pas Joe Biden, il est sénile, l'administration américaine. En essayant de les flatter et en essayant de nous parler, en essayant de couper les pieds sur l'herbe sur le panafricanisme. Comment? Quand Joe Biden vient vous dire que les États-Unis vont être en première ligne pour que l'Afrique insère au Conseil de sécurité, depuis quand les Américains s'occupent des Africains? Pourquoi hier cela n'a jamais été leur souci? Pourquoi hier ça n'a jamais été un souci des États-Unis? C'est maintenant que les Américains se rendent compte que l'Afrique n'a pas inséré au Conseil de sécurité. C'est aujourd'hui? Mais parce qu'ils sont allés recopier les discours de la diplomatie russe. La Russie demande ça depuis au moins 2 ou 3 ans aujourd'hui. Mais deuxièmement, maintenant, c'est une injure, parce que si ce n'est pas forcément vouloir couper l'herbe sur le pied des panafricanistes, mais c'est une insulte. Est-ce que l'Afrique a besoin d'un siège au Conseil de sécurité? Moi, je voudrais demander ici, quel est le pays qui parlera au nom de l'Afrique? Comment on fera pour coordonner ça? Dites-moi comment un pays va faire la prouesse de parler au nom de tous les pays africains au Conseil de Et sécurité? ça, je Comment suis déchirement est-ce qu'on va d'accord coordonner avec ça? cette histoire-là. Les présidents n'arrivent même pas à se parler pour avant d'aller à un sommet comme celui-ci. Comme celui-là. C'est quand il y aura quelqu'un. Ça veut dire quoi? C'est pour diviser l'Afrique et faire du désordre en Afrique. Quand M. Biden vous dit qu'on va amener l'Union africaine au G20, vous n'avez pas qu'on est en train de se moquer de vous. Il est question de transformer l'Union africaine un super État pour justement déstabiliser tous les États africains. C'est de cela qu'il s'agit. Et nous avons dit ici que le mercenaire qu'est l'Union africaine, Fakir Mahamat, travaillait pour ça. C'est la condition pour qu'il devienne président du Tchad. On l'a dit ici. Les gens croient qu'on est en train de bavarder, qu'on a un problème personnel avec lui. Nous avons été de ceux ici qui se sont battus pour que ce tu-là soit à l'Union africaine. C'est nous ici. Mais la question est de savoir mais pourquoi nous avons changé de position le concernant. Parce que le mandat qu'on lui a donné à là-bas, il a trahi ça. Arrivé là-bas, il allait préparer son arrivée au pouvoir au Tchad, en vendant le continent africain. Et maintenant, les gens commencent à voir avec les yeux ce que nous on dit de plus. Ce n'est pas de notre faute si on est visionnaire. Est-ce qu'on va se suicider ici parce qu'on voit avant tout le monde ce qui va arriver? C'est le talent. Mais alors, on ne doit pas se prendre pour ça. Ça fait des années qu'on le dit ici. Maintenant, Joe Biden vient vous dire ouvertement ce qu'on préparait en coulisses. C'est quoi ça que l'Union africaine invite au G20? Pour faire quoi? L'Union africaine, là, c'est l'Union africaine de quoi? Ils parlent de qui, l'Union africaine? Ils ont le mandat de qui? Ça sert à quoi ce truc-là? C'est l'organisation panafricaniste, hein? L'Union africaine, avec son budget qui est financé par l'Union européenne. Donc vous voyez très bien les enjeux. Donc, il s'agit, pendant que, en même temps qu'on prépare une force anti-putsch, soi-disant, mais qui est une branche de l'OTAN, n'est-ce pas, pour complètement verrouiller le Sahel, et à défaut de le faire, d'installer le chaos dans la sous-région, Golfe de Guinée, Sahel, parce que c'est ça qu'il s'agit, le chaos, et vous savez que la géopolitique du chaos est le cheval de Troie par excellence des États-Unis qui veut pénétrer un endroit. Ils installent le chaos. La géopolitique du chaos, c'est le cheval de Troie par excellence. Donc, à défaut de dire ils veulent installer le chaos pour revenir à une guerre froide de fait. Mais surtout, je vais vous dire, et sur mon regard, ukrainiser les situations africaines. Je répète, ukrainiser. C'est quoi l'ukrainisation? Il faut bien comprendre. Vous voyez, en Ukraine, on sait très bien qu'on va gagner la guerre. Ils savent tous qu'ils ne peuvent pas faire la guerre contre la Russie. Ils savent tous. D'ailleurs, il y a 2 mois, le chef d'état-major de l'armée américaine l'a dit ouvertement. Je dis clairement. Et écoutez la tendance des derniers temps-ci. Mais pendant cette guerre d'Ukraine, qui s'est le plus enrichi? C'est pas les États-Unis? Effectivement. Au détriment de qui? L'Europe. Au détriment de l'Union européenne. Et de l'État voyou qu'on appelle la France. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, vous voyez très bien que je dis que le phénomène de l'ukrainisation est un des moyens par lesquels les États-Unis essaient de maintenir l'artificialité de leur puissance. Elle a subi de l'OTAN. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui le moyen par lequel n'est-ce pas, les États-Unis essaient de maintenir, entre guillemets, la puissance américaine, qui désormais va reposer sur du papier. Ils veulent rester en vie. Parce qu'à tout niveau, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau de la géopolitique, du point de vue militaire, les États-Unis, c'est terminé. Les États-Unis n'ont plus d'armée. C'est pour ça qu'ils ont développé les armées privées, l'armée de mercenaires. Ils n'ont plus d'armée. Ça veut dire que les Américains ont pris acte du fait que, en fait, ce n'est même plus un pays. Très peu d'Américains sont prêts à mourir pour leur propre pays. Pourquoi? Parce que le consumérisme a détruit la fibre mentale des Américains. Pas de leur faute, à cause de l'État américain. Donc, ils n'ont pas d'armée, donc ils fonctionnent sur la base des contrats de mercenaires. L'Amérique n'a plus de morale, n'a plus d'éthique. Parce qu'un pays qui, désormais, ne considère plus l'être humain comme étant la ressource, n'est-ce pas, fondamentale de la vie, et veut remplacer l'être humain par des robots, n'est-ce pas, mais c'est un pays ça. C'est un pays ça. C'est dit ouvertement. Mais tout à l'heure, Kenny, quand il parle de ça, il a cité David Icke, Alex Jones et cette fameuse Riman Yebo. Mais on va dire que ce sont des personnes, oui, complotistes, comme ils font souvent. Quand ils veulent désarmer des arguments de fond, ils se comportent. Mais on va dire que Kissinger, c'est un complotiste. Henri Kissinger, c'est un complotiste. Brzezinski, c'est un complotiste. Monsieur Kissinger, secrétaire d'État, signe un document. Il y a un document où, dès les années 70, les Américains considèrent que la démographie montante est une menace pour la sécurité des États-Unis. Et du coup, la lutte contre la démographie, n'est-ce pas, contre la surpopulation, d'après eux, et où du tiers-monde devient un problème de sécurité nationale aux États-Unis. Le document existe. Bon, alors, quand un pays arrive à ce niveau, c'est un pays ça. Hein? Moi, je vous pose une question. Comment une civilisation qui promeut l'avènement de robots fait pour discuter avec des civilisations qui restent encore au stade humain? Moi, je pose ma question sur la table. La question fondamentale de ce sommet, c'est de savoir comment des civilisations qui restent encore dans l'humanité. C'est-à-dire que nous continuons à croire que l'avenir de l'homme, c'est l'homme. Comment est-ce que vous faites pour aller discuter avec un pays qui a résolument pris le parti que l'être humain ne sert plus à rien, il faut le remplacer par les robots, et qui organise le monde en conséquence? Ça fait 5 ans que nous on crie ça ici tous les jours. C'est maintenant que je me demande souvent que mes présents, ton affaire là vraiment, c'est tellement, c'est même vrai. Quand je parle de 13 familles, la question de la question du dollar. On va sortir rapidement, président. Alors, donc vous voyez très bien que. Non, parce qu'il faut quand même qu'on explique ça aux gens. Quand on fait un sommet, et que ces gens vont se rencontrer au sommet, au plus haut niveau, mais ce sont des semblables qui se rencontrent. C'est-à-dire que vous pouvez parler qu'avec un homme comme vous. Mais comment on explique que les gens parlent avec Joe Biden, président d'un pays qui ne croit plus à l'humanité? Les lois sur les LGBTQX, machin, plus, c'est vous connaissez la suite là. Élevé au niveau de droit de l'homme par un pays. De manière claire. D'ailleurs, aux États-Unis, ils vont voter une loi pour protéger les transgenres. Mais dites-moi comment vous faites quand un pays arrive à ce niveau. Comment est-ce qu'on fait pour les s'asseoir dans un sommet avec un pareil monsieur? Il va quand même falloir que les gens deviennent sérieux dans le monde entier. Il s'agit quand même de l'avenir de l'humanité. Est-ce qu'on peut continuer à discuter? Pendant que les gens vous disent que non, ils ne peuvent pas avoir le dictateur, ils excluent du sommet 3 pays qui sont des démocraties supérieures aux États-Unis. Je parle du Mali, Burkina Faso et Congo. Parce que l'Amérique est le pays le plus tyrannique du monde entier. Pour ceux qui ont un peu de jugeote, ils le savent. Mais comment on fait? En même temps, pendant qu'on lui exclut, vous allez au sommet, vous asseyez avec lui, alors que lui vous dit depuis longtemps qu'il n'est plus humain. Il n'est plus humain. Donc, ça c'est clair. Donc, c'est un pays qui n'a plus de morale, qui n'a plus de repères moraux. Il a renié tous ses anciens repères moraux. Il a renié ça. Alors, donc, troisièmement, c'est un pays qui, sur le plan économique, est complètement artificialisé depuis très longtemps. Le dollar, c'est pratiquement à 70%, 60%, une fausse monnaie. Dans un monde sérieux, il y a longtemps que l'Amérique serait mise sur ajustement structurel. Donc ça veut dire qu'on aurait exclu, on aurait mis au banc de la communauté économique mondiale, comme on l'a fait à la Grèce. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous savez que la Grèce a été soumise à un traitement dur. À cause de quoi? De sa dette. Mais pourquoi l'Amérique, elle, n'est pas soumise, n'est-ce pas, à un pareil traitement, alors qu'elle est le pays le plus endetté de l'histoire de l'humanité? Hein? Comment le pays le plus endetté de l'histoire de l'humanité n'est pas mis, ne subit pas un traitement de choc? Pourquoi? On vous dit que non, c'est parce que sa dette est soutenable. Ça veut dire quoi? Que dans sa dette, il y a une partie qui est que c'est les Américains qui doivent aux États, à l'État américain. N'importe quoi. D'abord, c'est faux, parce que la grande partie de la dette américaine, c'est la dette chinoise, entre autres. Mais même la partie, même si on suppose que okay, c'est vrai, que la dette américaine, c'est une dette américaine, parlons comme ça. Mais si vous dites que ça, c'est vrai, mais allez plus loin dans le raisonnement. Mais le dollar est la monnaie universelle de fait. Comment on peut dire que la dette américaine est une dette américaine? Comment on peut dire ça? Puisque le dollar est une monnaie universelle de fait, imposée par la force et la mafia et le faux de référence. Comment ta monnaie est une monnaie mondiale et toi tu en fais ce que tu veux, comme tu veux, sans te soucier du reste du monde? Comment c'est possible ça? Ça n'a pas de sens. Donc l'économie américaine est surendettée et elle n'est pas justement structurelle parce que elle a terrorisé les gens par la force. Et deuxièmement, elle a installé un système dans le monde qui permet de contrôler les circuits financiers, la circulation de l'argent et de contrôler le négoce mondial. C'est ça. Quand on met un pays comme la Russie sous sanction, on l'exclut de SWIFT. C'est parce que justement, SWIFT est une technologie monétaire qui permet de faire ce genre de choses. Ça veut dire que dès que on peut contourner SWIFT là, c'est quoi? Ce machin-là. Oui. Dès qu'on peut contourner SWIFT, n'est-ce pas? Et que sur le plan militaire, les États-Unis ne peuvent pas faire le poids face à la Russie. Il y a une alliance globale qui aurait la Suisse, qui aurait la Russie pour centre, mais c'est terminé les États-Unis. C'est fini. C'est fini, ils font quoi? C'est terminé, c'est fini. Et c'est en cours. Ça a commencé et c'est irréversible. Mais c'est-à-dire que c'est fini là, et c'est le sens de l'alliance russo-chinoise. Merci. Et dans laquelle d'autres pays vont se greffer. Donc pour dire que on peut pas faire un sommet sur la base de la philanthropie. Regardez le discours de Joe Biden, 55 milliards de dollars. de promesses. Ça dit vraiment 55 milliards de promesses. De promesses qui vont financer la santé, le numérique et les infrastructures et la sécurité. C'est-à-dire en fait financer l'économie américaine. Voilà. En vous utilisant. Voilà. C'est cela qu'il s'agit. La philanthropie, après la démocratie, la gouvernance, la démocratie, la bonne l'homme. Elle dit que c'est toujours un rapport de philanthropie, il s'agit de mépris et d'insulte. Je vais terminer par le discours, la question du Cameroun, le discours du président de la République. Évidemment que c'est un excellent discours, il n'y a pas de débat là-dessus. Et comme son départ, ce sommet a été l'occasion de voir que le président se portait très bien. On l'a vu depuis l'aéroport, comment il marchait, madame était derrière, on a vu qu'il se portait bien. Et le discours montre quelqu'un qui est dans une lucidité d'analyse extraordinaire. Il se passe donc quoi? C'est important. Il faut saboter ça. Vous n'êtes pas au courant d'une vidéo qui circule depuis dans les réseaux sociaux? Mais cette vidéo, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on est en train de ramasser ce que tout président fait quand il va intervenir. C'est-à-dire quand vous voulez faire une grande sortie, vous voulez faire une grande intervention publique, vous consultez, vous dites que mais il y a qui dans la salle? De quoi est-ce qu'il s'agit, ma chère consort? Mais qu'est-ce qu'on vous fait? On vous fait croire que. On dit que non, il a perdu la mémoire. Ah, oui. Qu'il a perdu la mémoire. Il ne sait plus ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Mmh. Et on prend la photo de la première dame qui tient son mari dans la main. Une des photos. Oui. Qui le tient dans sa main. Vous dites que non. Si tu ne fais pas ça, il va tomber. Elle est obligée de le tenir. Et il va tomber. Et on écarte. Attends. On écarte de la même photo. On écarte plusieurs photos. C'est-à-dire la même cérémonie. Oui. Où. Une fois la photo terminée, le président marche sur des distances. Voilà. Sans sa femme, alors qu'elle est derrière, on écarte la photo, on fait un montage. Quand la CHV entre dans ce jeu. Non, on ne peut plus accepter ça. Le complot va que le complot est très loin. On ne peut plus accepter ça. Je fais une démonstration simple. Si quelqu'un perd la mémoire, écoutez bien, si quelqu'un perd la mémoire, dans la même cérémonie, et la cérémonie c'est dans 2 minutes, le président pose des questions de routine que tout président pose avant d'aller faire une intervention publique. C'est normal. Dans 2 minutes, hein, il va intervenir. Il n'a pas la mémoire. Et il fait un discours qui dure 5 minutes. Où as-tu pris la mémoire pour le faire? C'est la même cérémonie. Hein? Non, c'est ça. C'est, non, ça. C'est important qu'on parle de ça. Il faut parler de où ça. Où as-tu pris la mémoire pour faire un discours de ce niveau? Parce qu'il n'a plus de mémoire. Vous voyez pas, est-ce que vous rendez compte? Oh, c'est très profond le complot. Ah, oui. Même dans son entourage le plus proche, c'est là qu'ils sont là-dedans. Il ne faut pas qu'il ait un succès d'une seconde. Il faut démontrer que vraiment c'est foutu pour justifier un coup d'État. Oui. C'est ça. Et les qui sont derrière, ce n'est pas vous et moi. Ce sont les barons là qui travaillent pour la France. Et les réseaux américains. Voilà. Ce sont eux. Parce qu'ils vous ont expliqué les enjeux gaziers du Cameroun. C'est rien. C'est mais rien. Parlez-les des matières rares. Des terres. Les terres. Je veux que c'est clair au Cameroun. En parenthèse, les terres au Cameroun sur un peu moins de 4 régions qui ont été explorées. Officiellement, 5 régions qui ont été explorées. Il y a 300 gisements de minerais de pierre rare qui ont été découverts. 300 gisements de minerais de pierre rare. Et lorsqu'on parle de pierre rare, il faut rappeler que pour comprendre l'importance de ces pierres rares, il faut seulement analyser la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà. C'est-à-dire que vous bloquez l'accès de ces matières premières multinationales qui ont 100 fois le budget de nos États. Ils arrêtent de fonctionner d'ici 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'on n'en parle plus de Google, de Apple, de Samsung, de tout ce que vous voulez. Parce que ces pierres-là, c'est l'avenir du monde. Pour aller dans l'espace, les satellites, il faut ça. Les drones, il faut ça. Les écrans plats, il faut ça. La technologie militaire. Toute la technologie. Sans cette minerais, aucune technologie militaire. Donc, il faut obligatoirement installer le désordre dans ces pays. Un peu comme la RDC. Pour prendre ça tranquillement et continuer à vivre. C'est leur technique habituelle. Il a parlé de 5 régions. Est-ce qu'on a exploré d'autres régions du Cameroun? Non, pas encore. Moi, je vous dis, c'est le seul pays au monde qui a les terres dans toutes ces régions. D'autres pays ont dans une région, deux, autre. Le Cameroun dans toutes ces régions. On a la deuxième. Mais l'uranium, c'est rien. On a la deuxième. Le Cameroun a la deuxième réserve d'uranium à l'échelle internationale. Je dis que. Adidé. Et dès qu'on l'a découvert, le lendemain, Boko Haram a multiplié les attaques en territoire du Cameroun. On va sortir en une minute. Je vous en prie, pardon. Dites à. Que c'est important. Je suis en train de terminer. Tout ça, je te dis. Parce que. Vous allez comprendre pourquoi, quel est l'enjeu du départ du président aux États-Unis. C'est ça. Mais tu l'as dit, le président n'est pas allé aux États-Unis pour quelque chose. Il a battu les Américains qui étaient derrière Boko Haram. De loin. Derrière les Amazoniens. Même Boko Haram, il n'était pas loin de là. Ouais. Même Boko Haram, il était ami avec la France. Ouais. Le Cameroun a battu les Américains dans le projet d'Ambazonie. Ouais. Et il faut bien se déshabiller, de dire, de faire semblant. Mmh. Mais c'est pour tromper le naïf. Il est allé en sachant. Il n'est pas fou. Mmh. Il sait que le pire ennemi du Cameroun actuellement sont les États-Unis. Mmh. Il le sait très bien. Monsieur. On les a battus. Donc lui, il est parti les battre sur leur terrain. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant par derrière? Il faut saper ça. On a activé les réseaux. À domicile. Il faut saper ça. Oui. L'humilier. Les Américains ont des réseaux partout. On a dit que dans l'opposition camerounaise, c'est mon regard. Au sein de l'amitié. Donc, il faut saper ça pour dire que ce n'était pas un succès. Oui. Pour que le président ne bénéficie pas de toute l'aura qui est non seulement basée sur le fait que l'Amérique a été humiliée, ils ont été obligés de commencer à condamner les gens chez eux. Pourtant, c'est eux qui les finançaient et les protégeaient. Ils sont obligés de renvoyer certains ambassadeurs ici. Ici. C'est une humiliation. Pour saper ça, il faut démontrer qu'il est sénile, qu'il perd la mémoire et qu'il faut utiliser son entourage. Voilà. Son entourage. Qui fait fouetter ces choses-là? Qui organise ça? Ça, c'est clair. C'est pas vous et moi. Oui. Et qui les prend dans les réseaux sociaux? Allez voir les figures qui les prennent dans les réseaux sociaux. Ils appartiennent à qui? Ces figures-là appartiennent à qui? Un parti politique dont je ne ferai pas l'honneur de citer le nom ici. Mais les réseaux du pouvoir travaillent. De connivence. Oui, ça, c'est le haut niveau de la politique. Ils travaillent de connivence et trompent les naïfs. Donc, ce serait ça le grand enjeu du sommet. Ce serait, oui. Il est intéressant pour nous parce que c'est un sommet qui reflète la situation intérieure du Cameroun. Alors, nous parlons. Et comment les gens manœuvrent. Vous savez que les Américains veulent à tout prix une base militaire au Cameroun. Absolument. Que le Cameroun refuse. Regardez, quels sont les 6 présidents que Biden a reçus en dehors du sommet, de manière à tout. Libéria, Nigeria, quoi encore. Oui, oui, Nigeria. Libéria, Afrique du Sud, Gabon. Hey. Oui. Gabon. C'est quoi l'enjeu du Gabon? Il est purement militaire. Tout à fait. Parce que tant que le Cameroun n'est pas dans le giron américain, ils savent qu'ils perdront l'Afrique. Tout à fait. Ils le savent qu'on perd l'Afrique. Ils le savent. Par tous les moyens, il faut l'avoir. On prend le Nigeria à côté. Et regardez le discours ambigu de Buhari ces temps-ci. Ambigu. C'est incroyable. Il dit une chose demain, il change. On parle au Nigeria parce que la CIA contrôle toute la classe politique du Nigeria, corrompue dans le dossier du pétrole. Le dossier du pétrole, n'est-ce pas? On parle au Nigeria, on parle au Gabon. Et le Cameroun est pratiquement en. On veut prendre le Tchad. Oui. Pourquoi on exclut le Mali, le Burkina et on prend le Tchad? C'est pas un coup d'État toujours. D'après eux, c'est pas un coup d'État. C'est le fils de la CIA. On espère. À l'heure actuelle. On espère en tout cas que le président de la République du Tchad, Mahamat Idrissa, qui a rencontré son Excellence Paul Biya à Washington, non, vous savez, je vous ai dit ici que la question tchadienne est complexe. Ce n'est pas au niveau de n'importe qui. Des gens qui ont les formules lapidaires ne sont pas au niveau. Quand une situation géopolitique est complexe, il faut une analyse complète de la situation. C'est la question du Tchad. J'ai des positions qui ont souvent été incomplètes par certains, mais je pense que là, la suite me donne toujours raison. Les Américains veulent le Tchad. Dedans que je veux bien vous évoquer. Mais alors, je vous parle. Le régime du président Mahamat, qui gère des contradictions terribles internes, qui sont liées à la gestion des différents clans qui ont travaillé avec le président Déby, et dont beaucoup sont des fils des Français, à tout point de vue, occidentaux, ces contradictions font que souvent, le président paraît un peu indécis. Mais là, on vient de régler la question d'un coup d'État au Tchad. Vous êtes au courant de ça. Effectivement. Un coup d'État. Les luttes des clans sont extraordinaires. Notre souhait est que le camp le plus progressiste conserve le pouvoir. Une bonne partie des généraux sont conscients des enjeux. Ils ont juré de suivre la voie du président Déby. Et le jour où ils ont fait le discours, ils ont dit cette voie sur le panafricanisme. Ils l'ont dit clairement. Ce sont eux qui entourent le fils. On espère que le travail va continuer à se battre pour que ce clan-là soit neutralisé. Donc, l'enjeu de ce sommet, contrairement à ce que les gens croient, pourquoi ils ont été obligés d'éviter le président Biya, qu'ils ont qualifié auparavant de dictateur, avec des rapports, les résolutions du sommet, condamnant du Congrès. Congrès américain. Condamnant le Cameroun, des sanctions américaines qu'on a infligées au Cameroun. Pourquoi ils invitent le président Biya? Pourquoi? Le Cameroun au Conseil de sécurité. Pourquoi ils invitent le président Biya? Parce que je vous ai dit, ça a échoué à cause du travail que nous avons fait. Au niveau de la conscientisation des populations camerounaises et de, comment dit ça tout à l'heure, il a parlé du caractère monumental de l'expérience du président Biya en matière de diplomatie mondiale. Face à Biya, Joe Biden, ça vous surprend, Joe Biden, c'est un petit garçon. Bien sûr. Face à Biya, en matière d'expérience diplomatique. Effectivement. Joe Biden le sait. Bien sûr. Joe Biden le sait. Donc, on l'invite pour distraire les Camerounais, on fait semblant de nous flatter, que c'est fini, alors que par derrière, on prépare le vrai coup. Et ça, c'est la tradition américaine, ça. L'hypocrisie. on vous invite là, mais pas derrière, on prépare les vrais coups. Moi, je vais vous dire une chose, je vais terminer par là. Vous croyez que les gens qui sont à Yaoundé au pouvoir ne suivent pas la réalité mondialiste? Ils savent que le parrain français est affaibli. Ils ne sont pas fous. Mais ils cherchent un nouveau parrain. Ouais. Dans le cas dans lequel le parrain le plus fort, les États-Unis. Vous mieux s'accrocher sur les États-Unis, désormais, pour préparer, avoir un parrain de poids face à la Russie, qui aujourd'hui apparaît comme le point culminant de la dynamique de diversification des partenariats initiés par le président Biya. Merci. Est-ce que vous voyez les enjeux? Parfaitement, donc, président. Il y a donc une alliance de fait entre ces réseaux-là, qui sont des sous-réseaux qu'on hackait par les Occidentaux. Aujourd'hui, dans la géopolitique mondiale et son évolution, le pays occidental sur lequel on peut encore s'accrocher pour croire qu'on peut tenir, c'est USA, dont tout se couvre les Américains. Les Américains le savent très, très, très bien. Donc, pour nous, les panafricanistes aujourd'hui, nous allons neutraliser les États-Unis. Vous savez comment il dit, monsieur, comme si c'était un fou, non? On dit, les Américains, on va les neutraliser. Nous avons dit que l'Occident va tomber. Il est en train de tomber. Ce n'est pas les États-Unis qui vont dépasser les panafricanistes. Afrique Média. Le monde, c'est nous.